Les studios de films artistiques de Corée ont produit le film d'art Diplôme. Le film traite les diplômés de la première promotion de l'université Kim Il-sung, première grande école du peuple fondée en Corée libérée. Entourés des bienfaits du président Kim Il-sung, ils ont fait leurs études et après la sortie de l'université, ils ont continué la voie de fidélité pour répondre à la sollicitude du parti et du leader, leur bienfaiteur. Y réside la gloire authentique de la vie des révolutionnaires, selon le film.